entoure, tout le monde entier. J'étais une fleur sous la terre, je resterais. Si j'étais le soleil, je me placerais. Si j'étais la neige de mes doigts, je courirais. Cacher le monde, tout le monde entier. Il suffirait d'un peu de terre. Pour qu'au milieu des rochers, puisse renaître une fleur. De si peu. Si j'étais le ciel, toujours noir, je resterais. Si j'étais l'étoile, je m'éloignerai. Je ne suis qu'un homme, seulement un homme. Mais si j'étais lui, je recommencerai. Mais si j'étais lui, je recommencerai. Let me go home, home is wherever I'm with you. Home, home, let me you remember that day you fell out of my window? I sure do, you came jumping out after me. Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deep, deep in love with you. Yes, I am home. Home is when I'm alone with you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sailed into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. Where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear, and I wanna rock the gypsy soul, just like way back in the days of old. How magnificently we will fold into the mystic. That foghorn, you know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Come on, girl. yellow and the grass was gray. We signed the papers and we drove away. I do it for your love. The rooms were musty and the pipes were old. All that winter we shed a cold. Drank all the orange juice that we could hold. I do it for your love. C'est à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec une sélection, ma foi, qui se trouve à mille lieues de la semaine passée avec notre radio pirate. Pas de grosse surprise jusque-là pour les habitués de l'émission, mais rien de tout ça nous empêche de se délecter d'une magnifique musique quand même. Un bloc qui vient de se terminer avec Paul Simon en 1975 avec la très belle I Do It For Your Love, tirée de son chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, l'album Still Crazy After All These Years, de la même année. Une chanson avec une progression harmonique très originale qui va inspirer quelques jazzmen à la reprendre, dont Bill Evans surtout, qui va l'interpréter, à plusieurs occasions, dont une fois avec le virtuose de l'harmonica Toots Thielemans, qui jouait ici sur l'original, si je ne m'abuse. C'est pas très clair, certains musiciens qui sont pas répertoriés, dont celui qui jouait du hautbois sur la chanson. Beau choix d'instrument, c'est rare qu'on entend ça dans du pop comme ça, mais Paul Simon, toujours inventif. Chose qui suivait l'intemporel Into the Mystic de Van Morrison, de l'album culte Moondance de 1970, l'Irlandais Van Morrison, et non pas Jim Morrison, qui va tout d'abord faire ses armes au sein du groupe Them dans les années 60, pour ensuite, en 67, connaître son premier gros hit solo avec Brown Eyed Girl, que tout le monde connaît, mais c'est facilement avec Moondance, l'album et la chanson qui va frapper le plus fort en 1970, avec entre autres la très spirituelle Into the Mystic, pour laquelle tout le monde ou à peu près s'entend pas mal pour dire que c'est un des hauts points dans la carrière de Morrison. D'ailleurs, bref, si je parle personnellement, c'est une chanson qui me fait pratiquement à pleurer à chaque fois. Vraiment, très belle pièce. Qu'on a entendu ici, juste après, quelque chose d'un peu plus récent, une pièce d'une espèce de horde de hippies modernes du nom de Edward Sharp and the Magnetic Zeros, menée entre autres par Alex Ebert, mais c'est un collectif qui compte pour moins d'une dizaine de membres et même plus, là, selon les différentes incarnations du groupe au fil des années. Et on les a entendus avec pas mal leur plus gros single, Home, sorti sur album en 2009 et en single début 2010. Chose qu'on a entendu juste après un tout jeune Richard Cochiante qui se doutait même pas encore qu'elle allait composer une question de feeling ou la musique de Notre-Dame de Paris sur les paroles de Plamondon. Parce qu'on était en 1976 avec Si j'étais, qu'on a entendu juste après une chanson qui, personnellement, m'a toujours paru comme de l'espoir concentré là, sous forme de musique. On en a tous besoin en ce moment. On a entendu la douce voix de Sam Cooke avec l'intemporel A Change Is Gonna Come de 1964. Et là, ben, on va groover un petit peu plus avec Sam and Dave qu'on a entendu dans notre spécial Stax il n'y a pas si longtemps, mais surtout la légende de la basse électrique, Monsieur Jaco Pastorius au 99.1 et 88.9 CFNJ. Come on, come over as fast as you can. You're afraid that you won't like it, but you don't understand. One thing, my brother, I can tell you true. The more time you spend feeling happy, the less time you'll be blue. Come on, come on over. Come on, come on over. Come on over. Just come over. Why don't you come down? Come on, come on over. Everybody's making plans to move on, move on, move on. We'll be right back. every now and then he'll take a look around, and his eyes reflect the memory pain of years gone by. He can't regain nostalgic dreams he'll never see again. With trembling hands many fall like rain, there's one for every year, and his life laid out so clearly now, life that's but death. So nearly now, life once he clung to dearly, now let's go. Just we are yesterday. A lonely grave and soon forgotten. Only wind and leaves lament his mournful song, yet they shout his epitaph. We'll be right back. G. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. C'est l'enfant de souvenirs, souvenirs qu'on n'oublie pas. C'est le fruit de notre amour. C'est celui qui m'a donné le courage chaque jour. Depuis que tu m'as quitté, tu ne pourras jamais le frôler de tes mains. Car si tu m'as quitté, l'enfant lui m'appartient. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. Souvenir de notre amour, souvenir qu'on n'oublie pas. Tu ne pourras jamais le frôler de tes mains. Car si tu m'as quitté, l'enfant lui m'appartient. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. Souvenir de notre amour, souvenir qu'on n'oublie pas. Oui, c'est le fruit de notre amour que tu as vu là dans mes bras. Mais n'oublie pas que cet enfant-là appartient. C'est le fruit de notre amour, succès de 1964 pour Moira. Tout ça à Mélomane, ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Après, pourquoi pas, fidèle à nos habitudes, un petit classique de Judas Priest, juste avant. En fait, Priest, en tout début de carrière, qui invente ce qu'on va appeler le heavy metal pur, et non pas le thrash metal, death metal, black metal, doom metal. Eh bien, le heavy metal, mais quand même des petites traces de leurs influences encore. Vous avez peut-être décelé des petits parfums de Queen dans la première pièce, parce qu'on a entendu deux pièces qui suivent sur l'album Sad Wings of Destiny, excellent album, soit Epitaph, celle qui faisait un peu Queen, justement, suivie de Island of Domination. Tout ça, je le rappelle, en 1976. Donc, Judas Priest, qu'il faut pas l'oublier, sont totalement des précurseurs en termes de métal. Ils vont évacuer tranquillement tout le blues résiduel de ce que Black Sabbath nous avait offert, et ça va nous donner les Iron Maiden et compagnie, pas très longtemps après. Et juste avant, ben aucun rapport, si ce n'est que c'est bon. On a entendu le groupe londonais Visage, avec leur plus gros hit en carrière, Fade to Grey. Encore une fois, des précurseurs dans le monde du synth-pop. On était quand même en 1980 pile, bien avant que des légions Ben emboîtent le pas. Ils vont être aussi associés à un mouvement qu'on va appeler les New Romantics. On y reviendra assurément à l'émission, pourquoi pas lors d'un petit spécial années 80, peut-être, prochainement. Et sinon, ben, un groupe dont on a déjà abondamment parlé à l'émission, Steely Dan, qu'on a entendu ici avec Josie, d'un de leurs albums les plus importants, 1977, du nom de Aja. Et tout ça amorcé par quelqu'un que les bassistes considèrent presque comme un dieu. soit Jaco Pastorius avec Come On, Come Over, légendaire, tout ça tiré de son légendaire premier album solo en 1976. Et tout ça, ben, on entend tout ça au 99.1 et au 88.9 CFNJ. Gonna dance the day away. faces undressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just tall children. Sad as the clouds. So hold on to nothing and it won't let you down. Some people are marching together and some on their own, quite alone. Others are running, the smaller ones crawl, but some sit in silence, they're just older children. Your time, and I'm sorry I called, but the thought just occurred, we're nobody's children. Ooh, after all, live till your rebirth and do what you will. Forget all I've said, please spare me no ill. Sometime, when blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, to give to you and to give. love forever true. Météo. Ça sent nuage cette nuit dans la Naudière, minimum de moins 8 à moins 2 degrés. Belle journée jeudi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 4 à 6 degrés. Et vendredi de la pluie, journée venteuse, maximum chaud de 11 à 12 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Et toujours à Méloman, en ce mercredi soir, avec encore une fois un segment musical disparate à souhait, qui s'est terminé avec nul autre que le King en personne, accompagné au cœur par ses fidèles Jordanaires qui assuraient les harmonies vocales sur la plupart des chansons d'Elvis en début de carrière. Faut pas les oublier quand même. Et on a entendu tout ce beau monde-là avec une magnifique pièce composée par Cole Porter, dont plusieurs œuvres originalement composées pour Broadway ou pour le cinéma vont devenir des standards très prisés des jazzmen au fil du temps. Et là, ben, c'est la magnifique True Love qu'on a entendue en version Elvis Presley, tirée de la trame sonore de son film Loving You de 1957. Et True Love, chanson originellement popularisée en 1956 par Bing Crosby et Grace Kelly pour la comédie musicale High Society, donc un an auparavant, qui en passant va redevenir au goût du jour en 1993 quand Elton John va la reprendre avec Kiki Dee, chanteuse avec qui il avait aussi chanté le gros succès Don't Go Breaking My Heart en 1976. Donc beaucoup d'histoires dans une vie de chanson qu'on a entendu juste après une magnifique pièce un peu moins connue d'un jeune David Bowie en 1970 avec After All de son excellent album The Man Who Sold the World, Kurt Cobain qui va faire un gros hit de la chanson titre en 1994 pour l'album de Nirvana Unplugged in New York. Et là, si vous trouvez que ce soir, l'émission est un peu bizarre par moment, ben vous avez tout à fait raison, parce que juste avant, imaginez-vous qu'on a entendu la chanteuse irlandaise Enya, une première à l'émission. On a entendu son classique Caribbean Blue, qui a été un hit passablement substantiel en 1991, je me rappelle encore, étant plus jeune, de son album Shepherd Moon. Tout ça après le One It Wonder Sniff and the Tears avec Driver's Seat en 1978. Et tout ça, on a entendu ça au 99.1 et 88.9, CFNJ. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. Inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow.

is just starting, night is calling, and I am falling. Dance with me. Fantasy could never be so killing. I feel free. I hope that you are willing. Pick the beat up and kick your feet up. Come home from a hard day's work, and you're

toujours en plein mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec une très belle reprise intimiste d'une chanson que vous avez probablement reconnue pour certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous parce que vous êtes des mélomanes, parce que c'est Dreams qui nous vient de l'album Rumours de Fleetwood Mac, un des albums les plus vendus de tous les temps, sorti en 1977, rien que ça. Mais là, c'est 40 ans plus tard qu'on l'a entendu ici, soit en 2017, dans un magnifique duo constitué de Kyle Nachtigall et de Jacqueline Davies, dont j'escamote fort probablement les noms, et qu'on a entendu ici dans une espèce de triplé, juste avant plutôt, une espèce de triplé nous rappelant l'âge d'or du AM des années 70, avec Summer Breeze de Seals and Crofts en 1972. Deux gars qui ont fait partie du groupe The Champs, à l'origine du gros hit Tequila, que tout le monde connaît. Mais pas de chance, ils sont arrivés après le hit en question. Mais quand même, on fait partie de ce groupe-là. Et ces deux gars-là, on les a entendus juste après le groupe Orleans, avec leur énorme succès Dance With Me de 1974, une chanson qui va être reprise au Québec sous la forme d'Angely par Toyo et John McGale, ancien membre de la deuxième mouture d'Offenbach, excellent guitariste. Et on a aussi entendu quelque chose aux saveurs un peu plus country avec Amy du groupe Pure Prairie League, sorti en 1975, et qu'on a entendu ici, juste après un méga classique indémodable d'Aaron Neville, soit Tell It Like It Is de 1966, qui viennent justement les Neville Brothers de Nouvelle-Orléans, qui nous ramène à Orleans de tantôt. Et nous, ben, on aborde déjà ce qui risque d'être notre dernier segment musical de la soirée avec un guitariste de qui on dit qu'il fait pleurer sa guitare. Et vous allez comprendre pourquoi à l'instant. On écoute Roy Buchanan en 1972 avec The Messiah Will Come Again. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. Darkness. He just walked past. There's been a lot of people, and they've had a lot to say. But this time, I'm gonna tell it my way. Town. There's a strange little town they call the world. It's a lonely, lonely little town. Till one day a stranger appeared, and their hearts rejoiced, and the sad little town was happy again. But there were some that doubted. Disbelieve, so they mocked him. And a stranger, he went away. Now the sad little town that was sad yesterday, it's a lot sadder today. I walked in a lot of places I never should have been, but I know that the Messiah, he will come again. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Oh! remember, George. Order! Design. Tension. Balance. now my life is so blue. Toujours à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec une rareté d'un tout jeune Prince qu'on vient d'entendre avec Soul Blue, extrait de son tout premier album en 1978. Tout ça avant les gros hits qu'on va connaître plus tard. Et on a aussi été du côté de Broadway, un style qu'on a moins souvent exploré à l'émission. Et pour ce faire, on y a été avec l'excellent compositeur Stephen Sondheim, qu'on connaît pour A Little Night Music avec Send in the Clowns, que j'ai hésité à vous faire jouer ce soir. Sweeney Todd aussi, ou pour avoir écrit les paroles sur la musique de Leonard Bernstein pour son fameux West Side Story. Mais là, c'est avec un extrait de sa comédie musicale Sunday in the Park with George de 1984, inspiré du peintre Georges-Pierre Seurat, qu'on a entendu la musique de Stephen Sondheim avec tout simplement Sunday par la distribution originale de 1984. On a aussi entendu une version de California Dreamin' des Mamas and the Papas par Bobby Womack en 1968, qui suivait ici les Kinks, groupe de qui on va assurément reparler à l'émission, avec Rosie, Won't You Please Come Home de 1966. Et nous, ben, c'est déjà tout pour ce soir sur ce. On se dit à mercredi prochain, 20h, pour un autre Mélomane. Et j'espère que j'ai pas besoin de vous dire de prendre soin de vous et de sortir seulement si c'est nécessaire. D'ailleurs, je dédie la prochaine chanson à ma douce, qui en ce moment est mon abri contre la tempête. Mais en même temps, je la dédie à vous tous et toutes, amis mélomanes, en souhaitant que la tempête soit de courte durée. On écoute Bob Dylan, 99.1 et 88.9 CFNJ. Bonne nuit. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, when the road was full of mud. I come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was no risk involved. Nothing up to that point had even been resolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. The bonds are broken, but they can be retied. By one more journey to the woods, the holes where spirits hide. It's a never-ending battle for a peace that's always torn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. While the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a futile horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I've heard newborn babies crying like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. And now there's a wall between us, something has been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Yeah, just to think it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I'm bugging for salvation, and yet give me a lethal dose. I offered up my innocence, got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks on a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.